Ah, Dieu vous garde, mon frère. Et vous aussi, mon frère. Savez-vous ce qui m'amène ici? Non, mais si vous voulez, je suis prêt à l'apprendre. Depuis assez longtemps, vous connaissez Clitandre. Sans doute, et je le vois qui fréquente chez nous. En quelle estime est-il, mon frère, auprès de vous? D'homme d'honneur, d'esprit, de cœur et de conduite. Et je vois peu de gens qui soient de son mérite. Certains désirs qu'il a conduit ici mes pas, et je me réjouis que vous en fassiez cas. Je connus feu son père en mon voyage à Rome. Fort bien. C'était mon frère, un fort bon gentilhomme. On le dit. Nous n'avions alors que 28 ans et nous étions, ma foi, tous deux de verre galant. Je le crois. Nous donnions chez les dames romaines, et tout le monde là parlait de nos fredelles. Nous faisions des jaloux. Voilà qui va des mieux. Mais venons au sujet qui m'amène en ces lieux. Clitandre, auprès de vous, me fait son interprète. Et son cœur est épris des grâces d'Henriette.